C'était un petit homme au regard malicieux, toujours tiré à quatre épingles. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, Roger Delpech. Et pourtant, à deux reprises au moins, il a joui d'une grande notoriété. D'abord dans les années 50, où ce journaliste et ancien combattant en Indochine a publié un best-seller vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, « Soldats de la boue ». Et ensuite, à la fin des années 70, lorsqu'il a joué un rôle éminent, dans la fameuse affaire des diamants de Bokassa. Ami de l'empereur du Centrafrique, informateur du canard enchaîné, Delpech a sans doute été de ceux qui ont fait chuter Valéry Giscard d'Estaing lors de l'élection présidentielle de 1981. Mais il faut dire que l'ancien baroudeur avait de bonnes raisons d'en vouloir au président de la République, qui l'a fait emprisonner 7 mois durant, sans réelle justification. Pour le reste, il vous faut savoir que Delpech, toute sa vie, a navigué entre le gaullisme et l'extrême droite et qu'il a été aussi mêlé à l'opération Résurrection, une des pièces maîtresses du retour au pouvoir du général de Gaulle. Et ce n'était certainement pas un hasard s'il habitait l'Usarche, dans la banlieue parisienne, non loin de la propriété de l'un de ses bons amis, un certain Jacques Focard. Roger Delpech est mort à la fin de l'année 2007 en emportant une partie de ses secrets. C'est pourquoi j'ai demandé à M. X de revenir sur la vie tumultueuse de cet homme de l'ombre et peut-être justement de m'aider à percer quelques-uns de ses secrets. Je crois que vous avez vous-même connu Roger Delpech. Oh, un peu, oui, mais enfin, peut-être moins que vous. Hein. Oh, détrompez-vous. Nous n'évoluions pas dans les mêmes sphères, même s'il nous est arrivé d'éprouver, par exemple, des indignations communes. Je ne peux pas oublier que c'est Delpech qui a contribué à mettre en lumière le comportement absurde et même criminel du commandement militaire français lors de la malheureuse affaire de Dien Bien Phu. Oui, en rendant public le rapport du général Blanc. Blanc, hein, qui avait Blanc. Prévu que l'installation d'une base dans la cuvette de Dien Bien Phu tournerait au désastre. Enfin, là, nous nous éloignons un peu. Oh, pas tant que ça, parce que le passé militaire de Delpech éclaire bien l'homme qu'il va devenir. Hein. Alors, revenu d'Indochine et auteur d'une série de livres à succès sur son expérience et celle de ses camarades de combat, Delpech flirte avec la politique. Président d'une association d'anciens combattants, il fréquente tous ceux qui rêvent d'en terminer avec la 4e République et n'en finissent pas de comploter. Ouais, l'extrême droite, quoi. Et les gaullistes, déjà copains avec Focard, qui deviendra au fil des ans l'éminence grise du général. Hein? C'est par exemple lui qui présentera Jean-Marie Le Pen au leader populiste Pierre Poujade. Mmh. Poujade qui fera d'ailleurs de l'actuel chef du Front National un député. C'est hein? Exact. Ouais. Mais attendez, entre le gaullisme fervent et presque fanatique d'un Focard, hein, et l'extrême droite, où l'on va retrouver nombre de nostalgiques de Vichy, il y a quand même une certaine marge. Vous avez raison. Mais la nécessité crée l'union. Et parmi les comploteurs de mai 1958, on aura les uns et les autres. Même si ce sont les premiers, c'est-à-dire les partisans du général, qui se serviront des autres et finiront par les rouler dans la farine. Alors oui, Delpech navigue entre les uns et les autres et continue son bonhomme de chemin sans faire d'éclat particulier. Sans réclamer non plus l'éventuelle récompense qu'aurait pu lui valoir sa participation très active dans le complot de mai 58. Mmh. Il continue à écrire. Tout à fait. Mmh. Sans se mêler de politique. Bon, ça, c'est autre chose. Et comme beaucoup d'autres de ses camarades, il a été déchiré par l'affaire algérienne. Mmh. Parce que lui, j'imagine, enfin, étant donné son passé, il devait plutôt pencher du côté de l'Algérie française. Hein. Naturellement. Mmh. Et quand le général a clairement choisi de donner l'indépendance aux Algériens, il s'est soudain retrouvé dans le mauvais camp. Mais il ne faut pas oublier que c'était un ami de Focard et qu'ils finiront même par devenir voisins. Focard, le fidèle parmi les fidèles du général de Gaulle. Donc, nouveau déchirement quand même. Mais quand on a grenouillé dans ce genre de milieu politique, ben, il en reste toujours des traces. Delpech a dû remâcher son ressentiment comme de Bizet, l'ancien patron du SAC. Il a fini par retrouver son vrai camp, celui de la droite nationaliste. En tout cas, d'après ce qu'on peut en savoir, il a mené une vie très discrète, essentiellement consacré à l'écriture, au moins jusqu'en 1979. Et là, nous en arrivons à la période qui nous intéresse. Hein. Oui, donc cette année-là, au mois d'avril exactement, la presse relate des incidents très graves qui viennent de se produire en Centrafrique. Des massacres d'écoliers. C'est ça, des enfants qui manifestaient parce qu'on voulait leur imposer un uniforme que leurs parents ne pouvaient pas payer. et l'empereur Bokassa est directement accusé d'avoir commandé ces tueries et même d'y avoir participé. Bon, je ne reviens pas sur cette histoire dont nous avons parlé à la fin de l'année passée. Et vous m'avez dit que si ces morts d'enfants ne pouvaient pas être niées, Bokassa n'en portait pas directement la responsabilité. Et qu'il avait même été victime d'une manipulation et d'une manœuvre de désinformation. Ouais, sans doute montée par des agents français, c'est ce que vous avez dit. Et j'en suis persuadé, plus jamais. De la même façon, un peu plus tard, Bokassa sera accusé de cannibalisme. Mais jamais aucune preuve ne sera apportée pour cause. Ouais. Alors il s'agissait de salir le leader centrafricain. Avant de le débarquer, oui. Mm-hmm. Toutefois, attention, enfin, je ne cherche pas à défendre Bokassa à tout prix. L'empereur, tel qu'il était devenu après une ridicule cérémonie d'intronisation financée par la France, a commis des crimes et régné de façon dictatoriale sur son malheureux pays. Mais il ne faut jamais l'oublier. Bokassa, aussi grotesque a-t-il été, était une créature de notre pays. C'est nous qui avons nourri ses fantasmes et encouragé ses folies. Et à sa manière, Jean Bedel, qui était loin d'être sot, nous renvoyait une image déplorable de ce néocolonialisme que nous entretenions en Afrique francophone. Enfin, passons. Mmh. Comment alors, revenons à Delpel, comment Roger Delpel va-t-il être mêlé au destin de Bokassa ? L'affaire est assez curieuse. Et pour tout dire, l'explication qui en a été donnée ne m'a jamais convaincu. Alors vous, vous en avez une autre ? Bien évidemment. Mais vous allez me faire le plaisir de patienter encore un peu. J'ai maintenant l'habitude. Hein. Bon, alors, voilà la version officielle, si j'ose dire. Comme n'importe quel citoyen français, Delpay prend connaissance dans la presse de ces massacres d'enfants. Et il est horrifié. Autant par les faits eux-mêmes, mais que par la personnalité de l'homme qui est accusé de porter une responsabilité. Ah, l'empereur centrafricain. Mmh. Alors, mais Delpel, ancien d'Indochine, connaît-il Bokassa, qui a lui-même combattu là-bas hein? Non, il ne l'a jamais rencontré. Mais Delpel, qui a présidé une association d'anciens militaires de l'Union française, n'ignore rien de son pédigré. Il suffit de consulter ses fiches. Bokassa, officier de l'armée coloniale, est revenu couvert de médailles. Il s'est conduit courageusement ? C'est certain. Alors Delpel ne comprend pas. Comment cet officier aurait-il pu commander des massacres d'enfants ? Et son sang ne fait qu'un tour. Il écrit immédiatement à Bokassa pour lui demander des comptes, au nom de leur ex-fraternité d'armes. Et alors, qu'est-ce qui vous paraît extravagant dans cette histoire ? La spontanéité de l'indignation de Delpel. Mais je vous promets, je vous donnerai une explication. Et ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que Bokassa lui répond aussitôt et lui demande de venir à Bangui. Ah oui, pour quelle raison ? Pour s'expliquer, pour se justifier aux yeux de son ancien frère d'armes. Mm-hmm. Alors continuons, Delpel répond à l'invitation de Bokassa ? Évidemment. Mm. Alors comment ça se passe entre les deux anciens combattants d'Indochine hein ? Très bien. Si bien même que Delpel, convaincu par les protestations d'innocence de Bokassa, entreprend une enquête sur les massacres de Bangui. Et une enquête qui va innocenter Bokassa ? D'après Delpel, oui. En tout cas, ses investigations lui permettent d'établir que Bokassa était victime d'une manipulation et que plusieurs de ses ministres ont été complices de cette manœuvre. Ils ont donc joué contre lui. Est-ce qu'il a averti Bokassa ? Bien entendu. Ouais. Mais il est trop tard. À Paris, on a déjà décidé de mettre en branle l'opération Barracuda. Oui, l'opération qui va chasser l'empereur du pouvoir. Hein. Auparavant, et c'est très intéressant, Delpel a fait un nouveau voyage en Centrafrique, au mois d'août, c'est-à-dire juste un mois avant la destitution de Bokassa. Et à l'occasion de ce déplacement, ce dernier lui a remis des documents, à charge pour Delpel de les mettre en sécurité. Mais pourquoi cette démarche ? L'empereur a déjà l'impression qu'il est assis sur un trône éjectable ? Non, c'est certain. Il sent ou il sait que quelque chose se prépare contre lui. Et très étrangement, Bokassa, qui a décidément une entière confiance en Delpel, lui confie une liasse de papier à lettres en tête à son nom, qu'il prend soin de signer feuille après feuille. Des blancs-seins, non ? Oui, qui permettront à Delpel d'écrire au nom de Bokassa. Un détail qui aura plus tard une assez grande importance. Mais enfin, poursuivons. En septembre 1979, profitant d'une visite de Bokassa en Libye, des parafrançais accompagnés de quelques hommes du SDEC... Notre service de renseignement de l'époque. Oui, donc ce beau monde débarque à Bangui. Oui, et donc ça, c'est l'opération Barracuda. Et vous le savez, ces militaires sont accompagnés par l'homme que la France a choisi pour succéder à Bokassa, David Dacko. Les paras n'ont aucune difficulté à prendre le contrôle de la capitale, Bangui, et donc de tout le Centrafrique. Sans effusion de sang. C'est juste. Suit alors un épisode qui fait encore aujourd'hui l'objet de contestations. Quoi alors ? le sac du palais impérial de Berengo. Je vais y revenir. Presque immédiatement, propagées tant à Paris qu'à Bangui, des informations inquiétantes commencent aussitôt à courir sur les mœurs de l'empereur déchu. Monsieur X a évoqué des informations inquiétantes. Claude Vautier, auteur d'un ouvrage « Quatre présidents et l'Afrique », paru au Seuil en 1995, s'en fait l'écho, je le cite. Des bruits commencent à circuler selon lesquels Bokassa était un cannibale et qu'il jetait ses ennemis en pâture aux crocodiles. C'est que d'autres palais du tyran et de ses épouses ont été dévalisés dans les heures qui suivirent sa chute et que les pillards ont fait état de découvertes autrement surprenantes, notamment au palais de Kologo qu'habitait son ex-épouse roumaine, la belle Gabrielle. Une énorme chambre froide où l'on aurait retrouvé deux ou trois cadavres et une mare habitée par quelques sauriens dans laquelle on aurait retrouvé les ossements d'une trentaine de suppliciés. Bokassa lui-même, de son exil, alimente la chronique et laisse entendre qu'il aurait fait partager à ses hôtes de marque la chair humaine dont il se repaissait. L'impact de ces déclarations est si fort que le nouveau régime se croit obligé d'apporter un démenti, nuancé. Si Bokassa est bien anthropophage, il se livrait à ses repas macabres dans la solitude de certains réduits de ses palais, affirme un texte de la présidence de la République. Il ne s'agirait donc, à en croire le nouveau régime, que d'un cas de cannibalisme solitaire, ce qui n'est pas, à proprement parler, une circonstance atténuante, mais présente l'avantage de laver de tout soupçon d'anthropophagie, à leur insu ou non, ceux qui, centrafricains ou étrangers, dignitaires français notamment, ont participé aux agapes de l'ex-empereur. Alors, vous m'avez annoncé que vous me parleriez du sac du palais impérial. Hein. Il y a d'abord une question essentielle. Est-ce que ce sac a bien eu lieu? Et votre avis, alors? Moi, je pense que la poignée de paras et d'agents du SDEC qui a pénétré dans le palais de Berengo et particulièrement dans le bureau de Jean-Bédel Bokassa avait une mission. Rafler tous les documents où le nom du président de la République française apparaissait. Mais l'affaire des diamants n'avait pas encore éclaté. C'est tout à fait juste. Mais à l'Élysée, on avait certainement été informé que si Bokassa était déposé, bah, il chercherait à se venger. Et quelle plus belle vengeance que de rendre public les cadeaux en diamants que l'empereur avait généreusement octroyé à celui qu'il appelait alors son très cher parent. Cependant, il n'y avait pas que ça. Quoi d'autre encore? Les chasses. Depuis très longtemps, Valéry Giscard d'Estaing, passionné de chasse au gros gibier, était comme chez lui en Centrafrique. Il avait la possibilité de fréquenter d'immenses territoires, plusieurs dizaines de milliers d'hectares où il pouvait tirer autant d'animaux qu'il le désirait. Des éléphants en particulier, dont on estime qu'il a tué une cinquantaine d'individus. Ah, pas mal quand même, il avait le droit. Bon, en tout cas, les autorités centrafricaines ne le lui interdisaient pas. Mais là, si vous me permettez une parenthèse, il faut évoquer les liens fort anciens qui existaient entre la famille Giscard d'Estaing et Lubangui-Chari, comme on appelait le Centrafrique avant l'indépendance. Ben, allez-y, je vous écoute là. Ça commence avec le père de Valéry, Edmond, qui avait de nombreux intérêts dans des sociétés qui exploitaient tant en Afrique qu'en Indochine les ressources naturelles de ces colonies. Il était en particulier président de la SOFO, qui gérait un ensemble d'entreprises coloniales et possédait un gros paquet d'actions de la forestière. Ainsi appelait-on la compagnie forestière du Bangui-Chari, qui a régné sans partage et pendant des décennies sur cette concession, devenue aujourd'hui le Centrafrique. Et si je vous parle de la forestière, c'est que les méthodes de cette société ont été très souvent critiquées. C'est-à-dire, hein? Elle pratiquait au moins jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale le travail forcé et les punitions pour les indigènes qui n'obéissaient pas au doigt et à l'œil à ces chiens de garde. Et ce sont même des sbires au service de cette compagnie qui ont assassiné le propre père de Jean-Bédel Bokassa. J'ajoute, j'en aurais fini avec cet aspect, que de nombreux autres membres de la famille Giscard d'Estaing ont eu des liens très étroit avec le Centrafrique. Donc, pour sa part, le président de la République française pouvait, quoi, se sentir un peu chez lui au Centrafrique? C'est en tout cas l'impression qu'il a donnée. Il faut souligner que c'est là-bas qu'il a effectué son premier voyage officiel à l'étranger. Et il y est venu très, très souvent. Quoi, Pour y chasser ? Essentiellement. Et à chaque fois, il a réduit au minimum ses obligations officielles vis-à-vis des autorités centrafricaines. Alors justement, quelles étaient ses relations avec Bokassa ? Voulez-vous que je vous parle franchement ? Bah oui, oui. Eh bien, je crois que Bokassa l'horripilait. Le général de Gaulle traitait bien Bokassa de soudard. Hein. Certes, mais ça n'empêchait pas de lui témoigner une certaine bienveillance. Grâce à Foccart. C'est vrai. Ouais. Mais Giscard, non. Les foucades de Bokassa l'exaspéraient. Et il lui a pourtant permis de devenir empereur. D'accord, mais enfin, je crois vous avoir dit que le Centrafrique était une pièce essentielle de notre dispositif diplomatique et militaire. Ouais. Il fallait faire des concessions par conséquent. Oui, ouais. D'autant que c'était la France qui avait porté Bokassa au pouvoir. Et puis, dans son entourage proche, il y avait de bien jolies personnes. Que voulez-vous dire ? Moi ? Rien du tout, bien sûr. Alors, après cette trop longue parenthèse, revenons au sac du palais impérial effectué lors de l'opération Barracuda. Donc, je suis à peu près certain que Para et agents secrets ont embarqué des documents qui pouvaient nuire au président Giscard d'Estaing d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas tout. La grande affaire qui préoccupait Paris, c'était aussi les rapports de Bokassa avec Kadhafi. Kadhafi que, il faut rappeler, le pouvoir français aurait projeté de liquider. Et c'est donc l'époque où nos relations avec la Libye sont détestables. Toute tentative de rapprochement de Bokassa avec Kadhafi nous inquiète. Car au centre, il y a la question de l'uranium centrafricain. Un uranium que Kadhafi voudrait bien s'approprier. Et Bokassa, non sans malice, a fait croire à Paris qu'il pourrait trouver un accord avec Kadhafi sur cette question très sensible. C'est une provocation ? Et même une sorte de chantage. L'empereur estime que la France ne met aucun empressement à assurer ses fins de mois. Mais en se conduisant ainsi, c'est lui qui finit par se brûler les doigts. Parce que le gouvernement français, qui ne supporte plus ses excentricités et son train de vie dispendieux, est déjà décidé à le remplacer. D'où Barracuda. Hein. Alors, pardon pour cette nouvelle parenthèse et je reprends. Au cours de cette première incursion au palais impérial, tout n'est pas dérobé. Pourquoi ? Parce qu'il semble bien que les gens du SDEC étaient pressés, ou un peu trop négligents. D'ailleurs, ils ne vont pas tarder à reprendre à hâte l'avion pour Paris. Avec leurs documents, bien entendu. Mmh. Mais comment êtes-vous certain qu'ils n'ont pas tout embarqué là ? Parce qu'une semaine plus tard, des journalistes vont se rendre à Bérangou, qui se trouve à 80 km de Bangui. Et eux-mêmes, au milieu d'un bric-à-brac invraisemblable, vont trouver des papiers très intéressants. Si intéressants même, qu'ils seront dans la possibilité de les publier dans leurs journaux respectifs. Trop explosifs. Et ils finiront par décider de les remettre au canard enchaîné. Bizarre, non ? Alors, pourquoi tous les documents n'ont-ils pas été embarqués ? Manque de temps, précipitation. J'ai des doutes. Enfin, n'allons pas trop vite. Ouais, comme d'habitude. On a parlé aussi des diamants et de divers objets très précieux. C'est exact. Et certains, là je ne parle pas des journalistes, ont fait main basse sur une partie du pactole où se trouvaient quelques très beaux diamants. Ce qui a permis plus tard à Bokassa de déclarer qu'on avait pillé ses biens. Et ses trésors. Donc c'est en partie vrai. Ah, tout à fait. Alors je voudrais qu'on en revienne à Roger Delpay. Que fait-il après la chute de son ami Bokassa ? Vous avez raison de parler d'amis. Car entre les deux anciens dindos, comme on disait à l'époque, il s'est tissé une véritable amitié. Et Delpay sera l'un des seuls à venir au secours d'un ex-empereur lâché par tout le monde. Dès qu'il a été jeté à bas son trône. Bien sûr. Et le fidèle Delpay est décidé à ne pas rester inerte et à innocenter son camarade de combat en démontant la manipulation dont il a été victime. Une question quand même là. Delpay n'a jamais douté de l'innocence de Bokassa parce que les faits qu'on lui reprochait étaient quand même très graves. Écoutez, je n'étais pas dans la peau de Delpay, mais l'ancien baroudeur a tout de suite été convaincu de la bonne foi de son compagnon d'armes. D'autant, et là je vous livre une des clés de cette histoire, qu'avant de partir, il avait été mis au parfum, pour reprendre une expression qui a fait Flores pendant l'affaire Ben Barka. En tout cas, Roger Delpay devient dans les faits le défenseur de Bokassa. Son homme de confiance. Et il s'agit de beaucoup. Il réussit même à rencontrer l'ancien empereur en Côte d'Ivoire, où son ami Oufouet Boigny a accepté de l'accueillir à la demande de Paris. Mais attention, Bokassa est un invité très surveillé et qui n'est pas autorisé à recevoir n'importe qui. Des agents du SDEC sont même chargés d'assurer ce contrôle. Ouais, des agents français, bizarre. Hein. Et pourtant, Delpay, lui, arrive à le voir. Il y a peut-être eu quelques complicités, quoi qu'il en soit. Bokassa lui confie de nouveaux documents. Des papiers que Bokassa avait sans doute emmenés avec lui en Libye et qui avait donc échappé aux fouilles dont il avait fait l'objet avant de rejoindre la Côte d'Ivoire. Je vais revenir sur ce point, mais auparavant, un fait important s'est produit. Le Canard enchaîné révèle, seulement 3 semaines après l'opération Barracuda, que le président Giscard d'Estaing a reçu des diamants offerts par Bokassa. Une révélation désastreuse pour le premier personnage de la République. Il n'est pas exagéré de dire que le premier article du Canard enchaîné, car il y en aura beaucoup d'autres, fait l'effet d'une véritable bombe. À l'exception des journaux proches du pouvoir, la presse se fait en effet l'écho de ces révélations. Jean Garrigue, auteur des Scandales de la République, ouvrage publié par Robert Laffont, en rend compte ainsi. Le quotidien Le Matin, du 11 octobre, signale qu'à l'occasion d'un safari, le président Giscard d'Estaing aurait reçu un bijou en forme de carte du monde avec un diamant pour chaque capitale, le plus gros pour Paris. Jacques Fouvet, le directeur du Monde, consacre à l'affaire des diamants son éditorial sur 2 colonnes en première page sous le titre « La vérité et l'honneur ». Reprenant à son compte les accusations du Canard, il estime que pour l'Élysée, la seule mise au point possible consisterait à annoncer que ce royal cadeau a été retourné à l'envoyeur. On saura plus tard que le président Giscard d'Estaing, ulcéré par cet article irrévérencieux, a téléphoné en personne à Jacques Fouvet pour lui exprimer son mécontentement. La réponse de ce dernier sera cinglante dans les colonnes du Monde. « Si un chef d'État perd son sang-froid comme vous l'avez fait, c'est l'État lui-même qui est menacé. » Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un journaliste, et pas n'importe lequel d'entre eux, ose s'en prendre directement au locataire de l'Élysée, le 4e pouvoir défie le premier. Et qui a informé le Canard enchaîné alors? Est-ce Roger Delpay? Delpay alimentera en document l'hebdomadaire satirique, comme on a l'habitude de l'appeler, mais cette première livraison ne lui doit rien. La source du Canard enchaîné est alors un vieux routier de l'Afrique, un certain Maurice Espinas, officiellement conseiller juridique de Bokassa. Depuis longtemps? Ce fonctionnaire français a été placé à la présidence centrafricaine en 1966. Et c'est l'année où Bokassa s'empare du pouvoir, ça. Et ce haut fonctionnaire coopérant est forcément un affidé de Jacques Foccart, auquel il doit régulièrement rendre des comptes. Car Espinas est un homme clé de la présidence. C'est-à-dire beaucoup plus qu'un conseiller juridique. Songez qu'il occupe le bureau mitoyen de celui du président. Il est donc là à la fois pour orienter la politique centrafricaine dans un sens favorable à la France, et aussi pour prévenir quelques-unes des folies de Bokassa. Malheureusement, il ne peut pas tout, et malgré lui, il est témoin de certaines scènes pénibles. Quoi ? Par exemple, l'assassinat dans la salle du Conseil des ministres de l'ex numéro 2 du régime, le colonel Banza. Et puis, et ça nous intéresse directement, il assiste aussi, en 1973, à la remise de diamants à Valéry Giscard d'Estaing, qui est alors ministre français des Finances. En tout cas, l'honnête Maurice Espinas est rapidement écœuré et demande son rapatriement. Mais Paris ne l'entend pas ainsi, et Espinas, bon gré mal gré, doit continuer à servir Bokassa. Jusqu'en 1974, où c'est le président lui-même qui demande son départ. Bokassa. Oui, mais Espinas ne revient pas les mains vides. Il détient, entre autres, le bon de commande des diamants remis à Giscard d'Estaing. Un précieux document, là. Qu'il refuse de montrer à qui que ce soit. Mais en 1979, après la déposition de Bokassa, pressé par les journalistes du Canard enchaîné, il consent à leur remettre le papier. Mais pourquoi, alors? D'abord parce qu'il n'a aucune sympathie pour Giscard d'Estaing. Ah bon, ouais. Ensuite, eh bien, je vous laisse deviner. Eh bien, retrouvons Roger Delpay. Nanti, donc, de tous les documents que lui a remis Bokassa, peut-être avec la connivence de ses anges gardiens du SDEC, il commence à démarcher les éditeurs. Afin d'écrire un livre défendant son ami Bokassa. Une sorte de livre blanc qui rétablirait la vérité, à la fois sur les prétendues exactions de Bokassa et aussi sur les largesses dont il a fait preuve. Vis-à-vis de Giscard d'Estaing. Et de membres de la famille de ce dernier, mais aussi de ministres français et de hauts fonctionnaires. Et alors, à l'Élysée, on prend peur? Et là, il me faut faire une remarque. Le président français s'est très mal défendu. Alors que semaine après semaine, le Canard enchaîné multiplie les révélations, Giscard d'Estaing persiste dans la dénégation. Pire, il adopte une attitude hautaine qui irrite et désole ses supporters. Il refuse donc de s'expliquer. Ce qui alimente tous les soupçons. Et quand enfin il va s'abaisser à fournir quelques explications, celles-ci seront tellement berlificatées qu'elles ne convaincront pas. Oui, l'histoire des dons à des organisations charitables. Oui, bon, enfin, c'est inutile d'insister. Et au reste, si vous voulez mon opinion, je ne pense pas que l'ancien président ait reçu des cadeaux d'une valeur exorbitante. Mais en adoptant cette défense pleine de morgue, il a contribué lui-même à transformer cette histoire en affaire d'État. En témoigne d'ailleurs ce qui va arriver à Roger Delpech. Très rapidement, le pouvoir est persuadé que l'ancien baroudeur est le principal artisan de la campagne anti-Giscard d'Estaing. Donc il est surveillé. À tout moment. Or Delpech va commettre une maladresse. Et au fond, il effectue la même erreur que son grand ami Bokassa, qui s'est rendu chez Kadhafi peu de temps avant l'opération Barracuda. Oui. Et lui, Delpech, alors que fait-il? Il se rend à l'ambassade de Libye à Paris. Ah oui, mais bon, pourquoi faire? Officiellement, il y vient demander des subsides pour éditer ce livre qu'il prépare, pour assurer la défense de Bokassa. Mais pour le pouvoir français, l'occasion est trop belle. À sa sortie de l'ambassade libyenne, la DST, c'est-à-dire le contre-espionnage, lui met la main au collet et Delpech est illico accusé d'espionnage au profit d'une puissance étrangère dans le but de nuire à la personne du chef de l'État en particulier et aux intérêts français en général. Est-ce que la DST est en mesure d'apporter des preuves? Aucune, non. Et pourtant, les policiers ne ménagent pas leurs efforts et perquisitionnent minutieusement le domicile de Delpech. Mais ils n'y trouvent que ces blancs-seins dont je vous ai parlé. Oui, maigre consolation. Hein. Oui, mais qui permettent quand même aux autorités d'insinuer que certains des documents Bokassa rendus publics avaient peut-être été confectionnés par Delpech lui-même. Votre avis, alors? Delpech en a peut-être ajouté un peu, mais il y avait déjà suffisamment de documents authentiques pour accabler le président. Alors, un de plus, un de moins. Enfin, ce qui compte, et que soulignera la presse de l'époque, c'est que le baroudeur a été victime d'une véritable lettre de cachet. Semblable à celle que signaient autrefois les rois de France. Exactement. Et avant d'être libéré et de bénéficier un peu plus tard d'une ordonnance de non-lieu, Roger Delpech restera quand même 7 mois en détention. Sans que rien puisse lui être reproché. Alors, vous imaginez bien que Delpech se vengera. Et dans plusieurs ouvrages, le petit homme prendra non seulement la défense de son ami Bokassa, mais il décrira en détail l'affaire des diamants. Il évoquera aussi les territoires de chasse dont raffolaient Giscard d'Estaing et sa famille, et aussi d'affaires beaucoup plus privées dont je me garderai bien de parler. Alors, quelles leçons tirer de cette ténébreuse histoire? En fait, pour bien comprendre l'affaire Bokassa-Delpech, il faut remonter à 1974 et au divorce entre les gaullistes et les giscardiens. Focard, gardien de la flamme gaulliste en tant qu'ancienne éminence grise du général, n'a pas admis la trahison qui a eu lieu lors de l'élection présidentielle. C'est-à-dire le basculement d'une partie des députés gaullistes en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. Au détriment du gaulliste historique qu'était Jacques Chaban-Delmas, oui. Et rappelez-vous ensuite, Focard lui-même a été mis à l'écart par le pouvoir giscardien. Oui, c'est-à-dire qu'on lui a retiré les affaires africaines. Ouais, et même s'il a continué à surveiller de très près ces questions grâce au réseau qu'il avait mis en place, il en a conçu un fort dépit. Ouais, et il était prêt à prendre sa revanche à la première occasion? Je le pense, oui. Et quand il a été informé du mauvais coup qui se préparait contre Bokassa, il a décidé de passer à l'action et de tout faire pour torpiller Giscard d'Estaing. Les diamants? Focard était bien placé pour ne rien ignorer de tous ces petits cadeaux que l'empereur distribue à tort et à travers. Et en particulier grâce à cet homme-là, Maurice Espinasse, qui avait placé auprès de Bokassa. Évidemment. En outre, il ne faut pas oublier que Jacques Focard avait gardé de solides relations au SDEC où, pendant longtemps, il avait effectué des périodes de réserve. Tenez, moi je me suis toujours demandé pourquoi les agents de notre service de renseignement n'avait pas fait un ménage plus complet au palais impérial de Berengo. Ah oui, alors pourquoi ils ont laissé des documents compromettants qui ont ensuite été récupérés par des journalistes et transmis au canard enchaîné? En effet. Et comme je ne crois pas beaucoup au hasard, comme vous le savez, j'imagine qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence. Et ensuite, alors toujours pour poursuivre dans votre voie, là, Focard aurait chargé son ami et voisin Delpech, son missi dominici en Centrafrique, de continuer à alimenter cette poudrière anti-giscardienne. J'en suis persuadé. Et notez que Roger Delpech a parfaitement rempli sa mission. Il l'a même payé de 7 mois de prison. Oui, mais ce que vous dites, c'est quand même une pure construction intellectuelle. Sans doute. Cependant, souvenez-vous, ces vignettes en forme de diamants qui ont été collées sur les affiches électorales de Valéry Giscard d'Estaing en 1981, à l'emplacement des yeux du candidat. Bon, on a alors dit que c'était des hommes du sac hein, qui les avaient collés. Oui, oui, mais qui était le créateur du sac et son principal dirigeant, sinon un certain Jacques Foccart? Il reste encore un mystère que n'ont pas résolu les meilleurs observateurs de l'époque, celui de l'attitude de Valéry Giscard d'Estaing. Aussi, pour terminer, je vous propose un extrait de l'excellent livre de Géraldine Fess et Stephen Smith, Bocassa Ier, un empereur français. Bocassa met en pièce un ennemi qui ne se défend pas. À la suite des révélations du canard enchaîné, Valéry Giscard d'Estaing reconnaît avoir accepté des pierres précieuses comme cadeau. Il dispute la valeur et le nombre des petits brillants reçus, conteste les circonstances et le sens de la libéralité de Bocassa à son égard, mais, sur le fond, il admet les faits dès lors qu'ils sont établis. En revanche, il laisse à d'autres, et notamment à ses adversaires, le soin de qualifier ses actes, de juger la nature et l'étendue de sa compromission sur le plan politique. C'est pourtant ce qui importe. Et l'on se demande pourquoi Valéry Giscard d'Estaing abandonne le champ de bataille sans livrer combat. Pourquoi, à aucun moment, il n'entre en lice pour jouter sur la place publique. Pourquoi, pis encore, il retient ses troupes. Si c'était à refaire, je ferais autrement, dit Valéry Giscard d'Estaing en décembre 1999, sans toutefois s'expliquer sur les raisons qui l'ont tétanisé à l'époque.